Un, deux, test. Un, deux, OK. On va parler des saignées de Chicoutimi avec notre ami Jonathan Hudon du Journal Côtier. Salut, Jonathan. Salut, Danny. Jonathan, hier, vous aviez de la grande visite au Centre Georges Vézina. Joe Valeno était en ville. Valeno qui avait... moi, il me décevait un peu. Il n'y avait pas le statut de joueur spécial, tu sais, qui il me semble qu'il ne méritait pas. Par contre, depuis qu'il est arrivé à Drummondville, il fait très, très bien. Et vous l'avez vu hier. Oui, absolument, absolument. C'est ça, Joe Valeno, là. Joseph Valeno, de son vrai nom, a reçu le statut de joueur exceptionnel là, pour jouer dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec à 15 ans. Avait été repêché par les Sea Dogs de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Effectivement, là, comme tu dis, il n'avait rien cassé. À 15 ans, c'est normal un petit peu là, de rien casser dans le junior majeur, mais à 16 ans, un petit peu plus tranquille aussi. Puis là, ben, prend ses airs, là, comme tu dis, depuis qu'il a été échangé là, au Voltigia de Drummondville, et récolte des points plus régulièrement. C'est certain qu'il est plus les mieux entouré là, qu'il l'était à Saint-Jean. Puis là, cette année, Saint-Jean, c'est une équipe en reconstruction, donc il devait transporter le club sur ses épaules et c'est peut-être un rôle là, qui lui allait plus ou moins. Donc cette année-là, à Drummondville, depuis qu'il a été échangé, va très bien. Il a récolté 38 points en 27 matchs, donc c'est quand même bien. 11 buts, 27 passes. On voit que c'est pas un grand marqueur de but, mais un bon fabricant de jeu. Là, 38 okay. points en 27 matchs. Ouais. 11 buts à Saint-Jean, avait 31 points en autant de matchs avec 6 buts depuis le début de la saison. Mais hier, par exemple, là, pour cibler sur la performance d'hier, a été un petit peu plutôt timide, là, Joe Valeno. A connu un match tranquille comme plusieurs de ses coéquipiers d'ailleurs. N'a pas été très électrisant sur la patinoire. Une belle vitesse, là, on peut se rendre compte que lorsqu'il arrive en vitesse en zone adverse, c'est dangereux, mais n'a rien provoqué là, de jeu époustouflant. A perdu la rondelle plus souvent qu'autrement. Donc il n'a pas été une grande menace là, pour les voltigeurs hier soir. OK. C'était une belle victoire des Saguenayens donc contre les voltigeurs de Drummondville. Hey, dis-moi, ça mettait fin au match au Palais des Sports, 6 matchs. 14 000 personnes, c'est quand même bon? Absolument, absolument. Des très bonnes foules au courant de ce séjour-là. Un séjour-là qui a fait jaser au début, on se posait des questions. C'était pas parfaitement rodé lors des deux premiers matchs. Mais après ça, c'est quand même... ça s'est placé très rapidement, honnêtement, les Saguenay, là, l'équipe de gestionnaire. Avec les opérations en tête, là, Serge Pou qui a fait du très bon travail pour tout faire marcher les affaires là, au courant de ce séjour-là. Puis, comme tu dis, là, les spectateurs ont répondu en grand nombre. 2500 hier soir. C'est vrai qu'on est en ce moment. Ouais. Une promotion là, de deux adultes, deux enfants pour 20 $. Alors, c'est des promotions okay. agressives qui fonctionnent. Les gens ont répondu aux appels. Puis, les Saguenay sur une petite glace au Palais des Sports, là, C'est bien. Il y a des joueurs qui paraissent mieux sur une petite glace que sur la patinoire olympique de Saint-Georges Vézina. Ça, c'est il n'y a aucun doute là-dessus. Ben oui, puis ça, écoute, est-ce vrai qu'on a voulu... Est-ce vrai qu'on a voulu finir l'année au Palais des Sports? On a même demandé ça? Je peux pas te dire. J'ai pas cette okay. information. Okay. On a demandé, là, techniquement... De finir la saison au Palais des Sports, mais sauf qu'on peut comprendre la situation, hein, les Saguenay qui on sait pas trop à quel moment que le Saint-Georges Vézina va être prêt. En tout cas, c'est moi la dernière nouvelle, là, on savait pas trop exactement. Il devrait être prêt pour les deux derniers matchs de la saison régulière, le 16 et 17 mars. Sauf que les Saguenay, est-ce qu'ils vont avoir le temps de retrouver leur domicile avant ça ou ça va être le 15 au soir? Ils jouent vendredi, samedi, là, le 16 et 17. Donc, est-ce qu'ils vont retrouver leur amphithéâtre le jeudi soir ouais. pour même pas faire un entraînement? Puis, les affaires de tout reconfigurer un petit peu Saint-Georges en mode hockey, en mode Saguenay. Il y a du travail à faire aussi là, derrière le volet hockey, donc ça reste à voir si l'aréna, le Saint-Georges Vézina va être prêt à temps. Est-ce que les Saguenayens vont pouvoir avoir un entraînement sur la glace olympique du Centre Georges Vézina avant de pouvoir de jouer leurs deux derniers matchs? Parce que là, il y a une préparation, là, tu veux dire, là, on est en mode, c'est pas la même ouais. glace, c'est pas la même affaire, tu sais, c'est quand même un peu particulier, là, tout ce genre. Exactement, il y a des questions sans réponse, là. Effectivement. Puis, les Saguenayens, ils sur une petite glace, là, ont bien fait. Ont remporté 4 de leurs 6 matchs. Pardon, ont remporté 4 de leurs 6 matchs au Palais des Sports. On n'a pas eu de la foule du tout, puis on a battu quand même là, Drummondville. Puis, tu sais, on bien fait. On a battu Halifax également. On a battu deux bonnes équipes là, dans leurs 4 victoires. On a battu Shawinigan et Val-d'Or. Okay. Mais Halifax et Drummondville, deux bonnes équipes. Des jeunes équipes, par exemple, faut pas l'oublier. C'est des bonnes équipes, là, mais c'est des jeunes, quand même des jeunes formations dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Ouais. Je veux te parler du papier de fil. Est-ce que tu as lu le papier de fil ce matin? Non, j'ai pas lu le papier de fil, mais par exemple, je peux. Tu peux me faire un petit résumé rapide. Ouais, ben ce qu'il dit, Phil, c'est que c'est peut-être. C'est à la mairesse José Néron à prendre des décisions et non au conseiller, à Michel Tifot, ainsi de suite. La décision revient à la mairesse. C'est un dossier de mairesse. Je pourrais faire autrement que d'être d'accord avec, hein? Ben, exactement. C'est sûr que c'est la mairesse qui va trancher, là. Je peux pas croire qu'elle va mettre ça dans les mains de Michel Tifot ou de Jean-Marc Revier ou quoi que ce soit. Là, on sait que ça a fait un petit peu réagir dernièrement, là, tel conseiller est en accord de ci, tel conseiller est contre ça. Ça reste à voir, là. Sauf que comme Phil l'a dit, c'est sûr que c'est un dossier de mairesse, c'est un dossier de magistrat. Là, c'est la décision finale revient à la mairesse José Néron, puis je pense que elle a c'est sûr là qu'elle va elle-même prendre une décision. Je pense qu'elle est très à l'aise avec ça. Là, je crois pas qu'elle essaie de déléguer ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle veut avoir l'avis de tout le monde, là. C'est sûr est-ce que ça peut prendre autant de temps? Est-ce que c'est nécessaire que ça prenne autant de temps? C'est elle qui connaît le dossier, c'est elle qui va décider là. Le moment opportun, mais c'est sûr que ça prend une décision le plus rapidement possible. Mais je suis pas inquiète là, pour que Mme Néron se remette ses culottes là, pour reprendre l'expression. Je suis pas inquiète là, pour elle que ça va que la décision va venir de sa part. Puis je pense que c'est un gros dossier là. C'est le plus gros dossier que aura vécu au cours des dernières années, là, pas seulement depuis que José Néron est là, mais au cours des dernières années. Puis c'est sûr que je me retrouve avec un gros dossier entre les mains de son premier mandat, de son arrivée en poste à la mairie de Saguenay, mais à prendre ce genre de décision. Ça a été plus vite que prévu, on va se le dire. Hein? Effectivement. Ça s'est fait vite. T'sais, le San George a fermé en catastrophe. Ils apprennent que le San George Vizina n'est plus sécuritaire. En tout cas, Gemmell recommande fortement de la fermeture du San George Vizina avec la régie du code de bâtiment qui disait effectivement que le San George représentait peut-être un certain risque pour les utilisateurs. C'est sûr que ça s'est fait vite, là. Il a fallu qu'elle gère plusieurs situations. Puis depuis qu'elle est en poste également, là, au-delà du sport, il a fallu qu'elle gère le dossier de promotion Saguenay, le dossier du contrat de Justin Harvey. Non, au général, là, elle passe un bon test actuellement. Oui, effectivement. On se reparle mardi prochain, Jonathan? Oui, absolument, avec plaisir, Danny. Le journaliste du journal Le Quotidien, Jonathan Hudon. Merci, Jonathan.